tout de suite, on écoute Histoire Vivante qui, toute la semaine, nous raconte l'histoire mouvementée de la Turquie. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, la Turquie. D'un maître à l'autre. Le père et le président. Le sultan veille à ce que tous les membres de sa famille mâle soient sous bonne garde. Pour arriver à constituer cette Turquie moderne, il a fallu nier le passé. The Turkish nation is democratic by nature. Nous allons turquifier, islamiser et moderniser les territoires qui nous restent. Les ombres des Arméniens, des Grecs sont emmurées dans l'oubli. Il y a deux modèles, et l'un d'eux est d'interdire, de faire taire ceux qui disent « je suis kurde ». La négation est la doctrine officielle, enseignée depuis l'école. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Fabrice Meunier, je suis parisien d'origine normande. Je suis un passionné de l'Empire ottoman depuis longue date. J'en ai étudié l'histoire, et en particulier l'histoire contemporaine. Et comme beaucoup d'autres, j'ai été fasciné par Mustafa Kemal Atatürk, qui est le fondateur de la République turque et surtout un homme d'État exceptionnel. Or, tous les pays ont besoin d'hommes d'État exceptionnels et méditer sur leur parcours est enrichissant. Mais comment le Normand que vous êtes croise donc cette région-là du monde relativement éloignée tout de même ? Alors, éloignée de la Normandie, bon, rien n'est très loin. Mais Istanbul, maintenant, c'est 3 heures d'avion, un peu plus de 3 heures d'avion. C'est facile d'accès. Alors c'est vrai, c'est un autre univers. Et moi, tout simplement, j'ai découvert rapidement l'Empire ottoman grâce à une bourse que j'ai eue dans ma jeunesse. Enfin, j'ai découvert Istanbul, et à travers Istanbul, j'ai découvert cet Empire ottoman. Son histoire, son passé, et ses hommes. Ben justement, ouvrez-nous les portes, parce que cet Empire ottoman, on connaît évidemment... Formal, il va être question lors des entretiens que l'on va avoir avec vous de son agonie, de sa phase de transition. Mais avant d'en arriver à cette période de rupture, comment caractériser, peut-être au moment de son apogée, la richesse de cet empire-là ? Qu'est-ce qui, là où la caractérise principalement ? À mon sens, ce qui fait la richesse d'un pays, ce sont avant tout ses hommes. Et l'Empire ottoman est un empire multiethnique, multiconfessionnel. Alors bien entendu, c'est un empire musulman. Tout dépend de la volonté d'un seul homme, celui qui est à sa tête, qui est le sultan. Nous disons le sultan, sur place ils disent le padishah, un terme persan qui veut dire le souverain des souverains. Ce même homme est aussi... calife des musulmans, c'est-à-dire qu'il est l'autorité religieuse suprême pour les sunnites de son empire et même de plusieurs pays voisins. Autorité religieuse qui est une autorité morale, essentiellement, il ne dit pas la loi religieuse, il l'applique. N'est-ce pas ? La loi religieuse, c'est le Coran et c'est la Sunna, et il est censé les appliquer. Ce qui n'empêche pas qu'il était aussi un souverain qui tient compte des autres confessions qui se trouvent dans son empire. Donc il y a des chrétiens, vous le savez sans doute, des chrétiens orthodoxes, nombreux, qui se disent Roum, en fait, qui sont des Grecs orthodoxes, de confession orthodoxe, excusez-moi, qui se revendiquent, qui se rattachent à l'ancien empire romain d'Orient. Il y a aussi les Arméniens, il y a également des Syriens chaldéens, il y a d'autres confessions musulmanes, il y a des chiites dans l'Empire ottoman aussi, dans ce qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak, mais qui est englobée dans les frontières de cet immense empire qui, à son apogée, s'étend donc des Balkans au Golfe Persique. Sans compter qu'une partie de l'Afrique du Nord est également, directement ou indirectement, régie par cet empire. On devine dans cette présentation, Fabrice Meunier, la notion de l'étendue. Si on doit s'en faire une représentation cartographique, mentale, d'est en ouest et du nord au sud, on va d'où à où ainsi ? On part d'Algérie, si vous voulez partir de l'ouest en allant vers l'est. L'Algérie dépend de l'Empire ottoman. La Tunisie, la Libye également ont dépendu de cet empire. Vous arrivez à l'Égypte, qui a été conquise de longue date, également par cet empire. Vous aboutissez à la Syrie, l'Irak, toute la péninsule arabique, qui en dépend également. Et puis, si vous remontez maintenant vers le nord, l'Anatolie, la Turquie actuelle, vous abordez l'Europe en passant par Constantinople. Vous savez qu'elle a été conquise en 1453. Et vous arrivez dans ce qui est en réalité le cœur de l'Empire ottoman avant 1914, c'est la Roumélie, le pays des Romains. J'ai fait allusion tout à l'heure aux Grecs qui se disent Roum, Rome. Ces régions qui correspondent aujourd'hui, grosso modo, à la Bulgarie, à la Macédoine, à la Grèce, à l'Albanie, à la Serbie, une grande partie de la Serbie actuelle, sont des territoires ottomans et administrés par les Ottomans. Et dans ces territoires vivent donc majoritairement des populations chrétiennes. L'Empire ottoman doit son origine à la chevauchée de 400 cavaliers convertis à l'islam, venus du Turkestan au travers de la Perse pour planter leur tente en Asie mineure. Leur chef, Osman, et ses successeurs chassent les chrétiens et, après la chute de Constantinople, s'installent sur les ruines de l'Empire romain d'Orient. Le nouvel Empire ottoman s'étend désormais des Balkans à l'Afrique du Nord et englobe l'Égypte, la Perse et l'Arabie. 300 ans après l'arrivée des premiers guerriers osmanlis en Asie mineure, l'Empire ottoman, enrichi par le contrôle de la fabuleuse route de la soie, est conduit à son apogée par Soliman le Magnifique. Mais la découverte des grandes voies maritimes et les déboires militaires stoppent l'élan des conquérants, l'Empire se désagrège peu à peu. L'administration ottomane gère-t-elle le citoyen, quelle que soit sa nationalité, sa religion, de la même manière, ou y a-t-il, ce me semble-t-il, des statuts différents ? Et si oui, peut-on les indiquer ? Oui, là encore, je vous l'ai dit, le sultan calife observe la loi musulmane, et évidemment, pour lui, sa communauté, la communauté musulmane, domine. Elle domine les autres communautés en fonction d'un pacte, une sorte de pacte, ce qu'on appelait un pacte de soumission, qui est régi par la tradition, alors qu'il est plus ou moins sévèrement appliqué, selon les époques, selon les hommes, qui veut quand même que toutes les autres communautés, toutes les communautés non musulmanes et non sunnites, doivent allégeance et doivent respect et doivent payer des impôts particuliers, spéciaux, pour vaquer en paix à leurs affaires. C'est le fameux statut de Dhimmi. C'est le fameux statut de Dhimmi qui est appliqué aux chrétiens, aux juifs, aux non-musulmans. Dans ce statut, la liberté de culte est-elle préservée ? Oui, sans doute, avec un certain nombre de restrictions. Par exemple, pas faire sonner de cloche. Par exemple, pas construire de nouvelles églises. Mais c'est bruyant, peut-être. Mais surtout, en fait, ce qu'on attend d'eux, c'est une faible visibilité dans la ville musulmane. On veut que les chrétiens ne se fassent pas trop remarquer. On peut parler de tolérance, donc, au plus. Alors, tolérance, vous savez, je parlerais plutôt de mépris, une sorte de mépris. Gros intérêt, finalement, pour le pouvoir ottoman, qui régit cet empire, on dit à l'époque la sublime porte, c'est d'encaisser des impôts de ces communautés chrétiennes. Et comme je vous le disais à l'instant, à partir du moment où ils se plient aux lois et qu'ils versent certaines taxes, certains impôts particuliers, ils sont tolérés, d'autant plus qu'ils enrichissent le trésor. Mais tolérés au sens, non pas considérés comme des égaux, mais simplement, ce qui ne sont absolument pas aux yeux de l'islam, mais comme des gens qui acceptent la loi qu'on leur impose et sont donc des contribuables de seconde zone, mais des contribuables importants pour le trésor public. Cette soumission apportant la preuve, s'il en était besoin, qu'ils sont d'une certaine manière arrangés dans la catégorie des sous-hommes, donc. Oui, si vous voulez, pour être précis, un musulman dans n'importe quelle agglomération musulmane de l'Empire ottoman de l'époque aura peut-être des voisins chrétiens qu'il connaîtra, qu'il fréquentera, avec lequel parfois il fera des affaires, et qu'il connaîtra donc fort bien depuis peut-être des années, mais il se sentira toujours plus proche d'un musulman venant de loin, qu'il n'a jamais rencontré, qui lui est un frère en religion, que de ce même chrétien qu'il connaît depuis toujours. Même si ce musulman est d'origine tout à fait différente, vient de loin, ne parle pas la langue, il reste un croyant et un frère en religion. Et ça, c'est une caractéristique, je crois, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qui importe, c'est la religion, n'est-ce pas? Et le chrétien, ou le juif, ou le non-musulman, de façon globale, est quelqu'un qui n'assure pas son salut éternel, puisqu'il n'a pas la vraie foi. Fabrice Meunier, est-ce qu'on peut dire, pour conclure passagèrement sur ce point, que c'est sans doute un trait commun des trois monothéismes, cette reconnaissance infra-religieuse qui relie la communauté, les membres de la communauté entre eux? Sans doute, et à l'époque de l'Empire ottoman triomphant, ce mode de fonctionnement est une réussite. Les communautés cohabitent, avec des hauts et des bas, certainement. Il y a parfois des massacres, pas tant que ça. Il y a d'animosité, certainement. Il y a des concurrences. Mais l'Empire fonctionne. Or, au XIXe siècle, naît dans l'Empire ottoman ce qui s'est déjà produit en Europe occidentale, c'est l'apparition des nationalismes. Et tout cela va transformer le rapport entre les communautés. Parler Fabrice Meunier dans la première partie d'entretien de la singularité de l'Empire ottoman. On peut dire que l'Empire ottoman partage d'autres points communs avec d'autres empires plus anciens, et notamment la faiblesse d'avoir une superficie géographique importante. On le sait, par le passé, c'est souvent aux marges de l'Empire que les effritements se sont produits. Peut-on dire, concernant cet empire ottoman, puisqu'on va s'approcher maintenant de la période de la rupture, que l'une des raisons importantes de sa faille tient précisément à sa dimension? Si possible, incluez également dans votre réponse la particularité politique et peut-être la faille du modèle politique de cet empire. La faille du modèle politique c'est qu'il repose sur un personnage qui est le sultan calife. Pour moi, c'est ça la faille. Ce sultan calife, tout dépend de lui. À la différence des autres grands empires de cette époque, par exemple, prenons l'empire austro-hongrois, hein, qui est aussi un empire multi-ethnique, multiculturel, multi-religieux, cet empire a une noblesse, est structuré par une noblesse, a une aristocratie, qui n'existe absolument pas dans l'empire ottoman. Une fois encore, le sultan est seul, tous les autres musulmans sont des croyants et sont, comment dire, égaux à ses yeux. Il n'y a pas d'aristocratie. Donc sa faveur appelle au pouvoir un musulman ou des musulmans qui vont être les serviteurs de l'empire et la défaveur les éloignera du pouvoir. Vous êtes, comment dire, dans un système où si le sultan calife se trompe, il n'y a pas de garde-fou. Le problème au XVIIIe, XIXe siècle est que les sultans califes se succèdent en fonction de lois de succession qui sont particulières et qui diffèrent totalement de celles que nous connaissons en Europe. C'est la loi du seigneuriat, c'est-à-dire que le sultan qui succède au sultan défunt est un membre de la famille ottomane, le membre le plus âgé en vie à ce moment-là. Donc c'est un vieillard qui succède à un vieillard. Et à cela s'ajoute un autre problème, c'est que le sultan en titre veille à ce que tous les membres de sa famille mâle soient sous bonne garde. Ils sont enfermés, ou plus exactement dans une prison dorée qu'on appelle de façon significative la cage, kafes, et donc ils attendent des années durant, sans aucun contact ou avec des contacts très faibles avec l'extérieur, le moment de régner. Le moment qui arrivera ou qui n'arrivera pas. Donc un vieillard succède à un autre vieillard au pouvoir, et en sus, le vieillard qui monte sur le trône est un homme qui n'a aucune expérience pratique du pays, de son administration, et encore moins de l'étranger. Du fait de l'isolement de la cage. Du fait de l'isolement dans lequel il a vécu toute son enfance, toute sa jeunesse, et même parfois une partie de sa vie. Évidemment, ils ont reçu une éducation, ils savent lire, ils savent écrire, mais leur livre de chevet, il faut bien le dire, c'est le Coran. Et ils le connaissent parfaitement, ce sont souvent des hommes religieux, ils sont plus ou moins au courant des intrigues de cour. Mais pour le reste, ils ne connaissent rien de l'immense empire sur lequel ils vont régner. Vous l'avez dit, il est très étendu. Les sultans ne visitent pas les provinces de leur empire. Mais sur le plan politique et sur le plan de la gestion politique, y a-t-il autour du trône des ministres, tout de même une présence humaine ? Il n'y a pas, même si le trône construit volontiers un isolement absolu du pouvoir, il y a quand même un moment autour peut-être de la présence humaine, ne serait-ce que pour appliquer les ordres. Oui, bien sûr, il y a une immense administration. L'Empire est administré et bien administré, au moins à l'époque triomphante, celle du XVIe, XVe, XVIe siècle. Cette administration a sa tête à un grand vizir, hein, une sorte de premier ministre. Autour de ce grand vizir, toute une série de personnages ayant chacun charge d'une des administrations de l'État. Ce sont souvent des gens, d'ailleurs, qui sont d'anciens chrétiens, qui se sont convertis à l'islam, qui sont parfois issus de ce qu'on avait appelé, on a souvent parlé, le dervishme, c'est-à-dire le fait que dans les campagnes, périodiquement, les familles paysannes chrétiennes doivent donner un de leurs fils, un de leurs pires, pour qu'ils soient convertis et formés. Et les plus doués de ces garçons deviennent, alors s'ils sont physiquement doués pour le combat, deviennent soldats. Ce sont les fameux janissaires, yéni, chéri, nouveaux soldats. Ceux qui sont intellectuellement doués et aptes sont formés dans les écoles du palais et intègrent la haute administration ottomane. Souvent, ils se révèlent d'une grande fiabilité, car finalement, ils ne doivent de compte qu'au souverain, dont la faveur leur a permis une sorte de dette. Voilà. Il n'y a pas d'aristocratie, une fois encore, de grandes familles turc qui puisse placer un de ses enfants, se créer un fief dans l'Empire. Ce n'est que au XIXe siècle que ce système va dépérir, pour différentes raisons, notamment parce que cette pratique d'avoir d'anciens chrétiens comme serviteurs de l'État périclite les musulmans, justement, de l'Empire, voulant que leurs fils puissent, à leur tour, accéder à ces hautes charges. Tout au long du XIXe siècle, l'Empire ottoman endormi craque sous le réveil des révolutions et des indépendances nationales. C'est d'abord la Grèce qui conquiert son indépendance en 1830. Puis des peuples serbes, bulgares, roumains s'affranchissent tour à tour du sultan. La sublime porte perd un à un les territoires qu'elle avait conquis en Europe. L'appétit des grandes puissances coloniales, la France, l'Angleterre, accélère le démantèlement de l'Empire. La République dont nous parlons a été fondée dans ce contexte, dans la terreur de la division. Cette peur est ancrée dans notre patrimoine génétique culturel. Elle nous dit « nous allons être anéantis ». À mon avis, derrière les réflexes actuels se cache toujours ce sentiment inconscient. Ce qui est assez saisissant, Fabrice Meunier, c'est qu'il va y avoir une période historique avec une destruction des empires ottomans, austro-hongrois, Russie tsariste, le tout quasiment dans un mouchoir de poche. Or, ce ne sont pas des empires qui fonctionnent de la même manière. Vous situez bien que au niveau ottoman, il y a quand même cette question du pouvoir central. Je reviens à la question géographique. Est-ce que malgré tout, cette énorme dimension à la surface de la Terre pèse et joue dans l'effondrement à venir de l'Empire ottoman? Mais dimension de l'Empire ottoman qui s'est créée par strates successives, par conquêtes. La dernière conquête notable ayant été, je crois, la Crète, par les Ottomans sur les Vénitiens, à la fin du XVIIe siècle. L'Empire ottoman est très lourd à administrer et surtout, évidemment, environné d'ennemis qui vont progressivement vouloir s'emparer ou capter un certain nombre de territoires. Alors les ennemis, le grand ennemi de l'Empire ottoman à partir du XVIIIe siècle, c'est la Russie. C'est la Russie qui va lui porter un certain nombre de coups qui vont être, pour l'Empire ottoman, autant de reculs dans les Balkans. Et comme je vous l'ai dit, les Balkans, pour cet empire, c'est l'essentiel. Dans quel sens ? Dans le sens où la plupart des aux personnages de l'Empire sont issus des Balkans, que c'est dans les Balkans que l'on forme les meilleurs administrateurs, que l'on forme les meilleurs soldats, et qu'au fur et à mesure que les territoires sous domination ottomane des Balkans deviennent indépendants ou passent entre les mains des Russes, eh bien, l'Empire perd de sa substance. La guerre décisive est celle que, en 1877-78, oppose la Russie à l'Empire ottoman, donc, et c'est à partir de cette date qu'on peut dire que l'Empire ottoman est un homme malade et voué à la disparition, selon les observateurs de l'époque. Au XIXe siècle, l'Empire turc, miné par la corruption et la vénalité, l'homme malade de l'Europe, ne survit que pour permettre au reste du continent d'en profiter jusqu'au bout. C'est dans cette situation, alors que la dette ottomane s'élève au chiffre colossal de 100 millions de livres or, que naît en 1881 à Salonique, dans un milieu modeste et digne, Mustafa, le futur Atatürk. Sur cette expression de l'homme malade de l'Europe, une petite indication à Fabrice Meunier. Qui invente cette formule ? Elle a été inventée, je crois, par le tsar Nicolas Ier, lors d'une réception où il recevait des diplomates, notamment des diplomates britanniques. Là, nous remontons un peu, beaucoup plus tôt, puisque c'est avant la guerre de Crimée. Lors d'un aparté avec l'ambassadeur d'Angleterre, il cherche à obtenir un accord avec les Anglais pour se partager, effectivement, quelques-uns des territoires ottomans de l'époque. Il emploie cette métaphore de l'homme malade qui fera florès ensuite. On peut considérer peut-être que le champagne coulait à flot lors de cette soirée. Oui, sûrement le champagne coulait. Une fois encore, les Anglais, eux, ne souhaitaient pas la disparition de l'Empire ottoman. Qu'il faut bien comprendre, à partir du XVIIIe siècle, dans le système d'équilibre européen, joue un rôle fondamental. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adversaire numéro un Il y en a eu d'autres, évidemment, mais nous n'avons pas le temps de faire de brosser un tableau complet. Mais l'adversaire, certainement numéro un, et aujourd'hui encore, la puissance qui fait peur, qui fait le plus peur aux Turcs, est la Russie. Et pourtant, je m'étais dit, quand même, avec Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, l'expression « traître de Turc » avait pu faire florès. Quelle est la relation, Angleterre inclus, évidemment, que peut entretenir l'Occident avec l'Empire ottoman? Ça a été d'abord, vous le savez sans doute, perçu, l'Empire ottoman a été perçu après la chute à Seconde Rome, hein, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en 1453, à partir de cette date, l'Empire ottoman est perçu par l'Europe comme une menace vitale. Je ne vais pas refaire le résumé de toutes les batailles, les guerres qui se livrent en mer comme sur terre, à Léopante comme devant Vienne, au XVIe siècle, pour aboutir finalement à une présence ottomane très importante dans les Balkans, puisqu'elle va subsister jusqu'à ce qu'on appelait justement les guerres balkaniques, c'est-à-dire jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'à 1912. Là encore, l'Empire ottoman a fortement influencé les peuples de ces régions et a aussi sans doute influencé l'Europe, ne serait-ce que parce que un certain nombre de voyageurs, de diplomates ont ramené des rapports, des informations sur l'Empire ottoman. Il y a eu une mode, des modes ottomanes. Vous me parlez de Molière. Effectivement, le sultan calife étant un souverain absolu, son régime politique et moustille les Européens de l'époque. Y a-t-il un modèle ottoman ou est-il un contre-modèle ottoman? Et on va beaucoup disserter autour de ça. Fabrice Magnier, je vous propose qu'on se retrouve demain pour avancer dans le temps, puisque nous évoquons cet empire ottoman de façon chronologique cette semaine dans la perspective du prochain documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur RTS2 et dont je peux par avance vous annoncez le nom du brillant réalisateur qui sera à notre micro d'ici quelques jours, Jean-François Colosimo. Fabrice Meunier, à demain. À demain. Une émission proposée par Jean Leclerc